couleur du ciel, parfum de mes 20 ans. Jardin plein de soleil où je courais enfant. Partout je t'ai cherché, mon amoureux lointain. Qu'étant par les sentiers où tu prenais ma main. Nous avons grandi. L'amour nous a blessés, le temps nous a guéris. Mais seul et sans printemps, je cours enfin les bois, les champs. Dis-moi nos amours d'autrefois. Les années passent, s'attirent d'elles, et sur les toits de mon ennui coule la pluie. Où sont parties les caravelles, volant mon cœur, portant mes rêves vers ton oubli? J'aurais voulu que tu reviennes comme jadis, porter des fleurs à ma persienne et ta jeunesse en mon logis. Refrain, couleur de pluie, regret de mes 20 ans. Chagrin, mélancolie, de n'être plus enfant. Mais seul et loin de toi,